Savantissimi doctoresse, médicinae professoresse, qui hic assemblati estis. Et vos, altri messiores, intentiarum facultatis fideles executores, chirurgiani et apothicari, atque tot accompagnia aussi, salus, honor et argentum, atque bonhom appetitum. Non possum docti confréri, en moi insatis admirari, qualis bona inventio est medici professio, quam bella chosa est, et bene trovata medicina illa benedicta, que suo nomine solo, surprenanti miraculo, depuis si longo tempore facit a gogo vivere tant de gens omnigénérés. Per totam terram, videmus grandam vogam ubissimus, et quod grandes et petiti sont de nobis infatuti, totus mundus curans ad nostros remedios, nos regardat sic deos, et nostris ordonnansis principes et reges sumissos videtis. Donc, oui, il est nostre sapientiae bonis sensus atque prudentiae, de fortement travaillare à nos bene conservare in tali credito voga et honore et prendere gardam a non resevere in nostro docto corpore quam personas capabiles et totas dignas remplire as plazas honorabiles. C'est pour cela que nunc convocati estis, et credo quod trovabitis digna materia medici in savanti homine que voici, lequel in chosis omnibus dono ad interrogandum et a fond examinandum vos tristes capacitatibus. Si mi licentiam dat dominus presses, et toti docti doctores et assistantes illustres tres savanti bacheliero quem estimu et honoro domandabo causam et rationem quare opium facit dormire. Mi ad docto doctore domandatur causam et rationem quare opium facit dormire. A quoi respondeo quia est ineo virtus dormitiva cujus est natura sensus assoupire. In nostro docto corpore, bene, bene respondere. Dignus, dignus est intrare in nostro docto corpore. respondere. Bene, bene, respondere, bene, bene, respondere, bene, respondere. Com permissione domini presidis, doctissime facultatis, et usis nostris actis, compagnie assistantis. Demanda butibi, docte bachelier, quae sunt remedia, quae in maladia dite, hydropisia, convenit facere. Clisterium donare, postea segnare, ensuite purgare. Belle, belle, respondere, belle, belle, respondere, belle, respondere. Si bonhomme semblateur domino presidi, doctissime facultati, et compagnie presenti, domandabo tibi, docte bacheliere, quae remedia etisis pulmonisis atque asmatisis trovas a propos facere. Clisterium donare, postea segnare, ensuite purgare. Per illas maladias, doctus bachelierus dixit maravillas. Messi non annuio dominum presidem, doctissimam facultatem, et totam honorabilem compagniam ecutantem. Faciam illi unam questionem, de hiero maladus unus combavit in meas manus, abet grandam fievram cum redoublamentis, grandam dolorem capitis, et grandam malam ocote cum granda difficultate et pena de respirare. Veias mi dire, docte bacheliere, quid illi facere. Ah! Clisterium donare, postea signare, ensuite à purgare. Alors, monsieur, mais si maladia, opi, opi, opipi, opipi, opiniatria, non vult se garire, quilt il y facere. Ah, Clisterium donare, postea signare, ensuite à purgare, resignare, repurgare et réclistérisare. Il nostro dotto corpore, bene, bene rispondere. Dignis, dignis est entrare, il nostro dotto corpore, bene rispondere. Juras, gardare, statuta, per facultatem prescripta, cum sensu et jugamento? Juro. Et serré in omnibus consultationibus ancieni aviso, hot bono, hot moveso? Juro. De non jamais te servire de remédis aucunis, quam de ce seulement docte facultatis, maladus, dutil, crevare, et mori de suo malo, juro. Ego, cum isto boneto venerabili, et docto, dono tibi, et concedo virtutem et puissantiam, medicandi, purgandi, saignandi, persandi, taillandi, coupandi, et oxydindi impuné per totam terra. Grandesse doctoresse doctrinée de la rhubarbe et du séné, ce serait sans doute à moi chose affola, inepta et ridicula si j'allais bam m'engagerais vos bis louangas donare et entreprenez bam ajoutare des lumières au soleilio et des étoilas au cielo, des ondas à l'océano et des rosas au printano. Agréaté qu'avec une moto pro toto remerciemento rendam gratiam corporitam docto. Vobis, vobis DBO, bien plus qu'à naturé et qu'à patrimeo, natura et pater meus, hominem me habet factum. Me vos me, ce qui est bien plus, avetis factum medicum. Honor favor et gratia. Qui in hoc corde. Que voilà. Imprimante resentimenta qui dureront in secula. Fluxus de sang et dysenterias. Vivat, vivat, vivat, sans quoi vivat, nobis doctor qui tam bene parlat. Vivat, vivat, sans quoi vivat, nobis doctor qui tam bene parlat. Vivat, vivat, vivat, vivat, sans quoi vivat, nobis doctor qui tam bene parlat. Vivat, vivat, vivat. Mille anni sept manget et vivat et saignet et tuat et saignet et tuat et saignet et tuat.